avec. Cette chose-là, il faut que tu te vives. Mon premier, c'est le désir. Mon deuxième, du plaisir. Mon troisième, c'est souffrir. Des souvenirs. Troisième, c'est souffrir. Mon premier, c'est désir.